Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voici un hors-série de La courte échelle. Voici effectivement hors série de La courte échelle, destinée aujourd'hui et entièrement réalisée avec les chansons de nos artistes québécois que je vous laisse découvrir. Serge Ouellet que nous écoutions, à venir Geneviève Grenier, Eric Slingerland, Thalie Boyer, Véronique Labbé ou Daniel Chouinard. Hors-série de La courte échelle. C'est comme si je regardais la vie à travers une fenêtre entrouverte. Il y a juste assez d'espace pour y passer ma tête. Y a le vent sur mes joues, le soleil, la lumière. j'entends presque la mer. Mais comment puis-je un jour faire partie de ce monde? C'est comme si j'allais beaucoup trop vite sur un train sans savoir où il mène. Avec trop de bagages et presque autant de peine. Le bonheur se trouve-t-il à la prochaine gare ou est-il déjà trop tard? Mais comment savoir où et quand je dois descendre? J'ai souvent sous la glace. Mais comment puis-je enfin regagner la surface? J'ai souvent l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Inondé de questions, pour y répondre, est-ce qu'il me reste assez de temps? C'était glissé une petite erreur quand on m'a mise au monde. One of my first memories, I'm sitting on my daddy's knee, doing square circles in a farming field, steering his green machine. Watching sun dogs in the prairie sky from the top of a hill. The sun sets across the ocean of barley, wheat, and rye. And it makes me high. Yeah, it makes me high. It makes me high. Some morning news. Daddy in his favorite coffee cup. Yeah, not much left to lose. And I can't forget them canola fields on summer's image of July. Last time I caught the spell, I stubbed my truck and I started to cry. And it makes me high. Makes me high. On a piece of land, my memories filled with pictures, and I was too young to lend a hand. Few left to tell stories about our ships and good times, of forgotten and abandoned, all the simple things alive. And it makes me happy. Les hors-séries de la courte échelle à suivre. Faisait hors-série de la courte échelle. Je regarde dans ton miroir et mon cœur se sent perdu. Et je ferme les yeux et les ailes du temps se replient. J'essaie de retourner cette page qu'on n'écrit plus. Déchirer le silence pour comprendre l'amour. Retrouver la lumière du jour. Je ne peux t'oublier. Toi mon rêve, mon réveil, ma joie d'aimer. Décrocherai des millions de lunes pour te Je te parfume en musique pour t'écrire et te vivre en harmonie. Et les ailes du temps fleurissent. Je ne peux Gabi Ougui, Virginie B, Joey Robichaud ou Flo Durel. Voilà les quatre artistes qui vous attendent dans les minutes qui arrivent dans ce hors-série de la courte échelle, consacré aujourd'hui aux artistes québécois. Un hors-série de la courte échelle. Si comme moi, tu aimes la musique country, je t'offre mon cœur à deux mains. Sous ces belles mélodies, nous voilà encore réunis. On partage nos histoires en chansons. Si comme moi, tu aimes Hank Williams, je t'offre mon cœur à deux mains. Malgré sa courte vie, on le chante encore aujourd'hui et on le chantera toujours demain. Si comme moi, tu aimes Merle Haggard, je t'offre mon cœur à deux mains. Quand il prend sa guitare, qu'il nous jette son regard.

T'as fabriqué des bombes, t'as causé l'hécatombe. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. T'as bâti tes locaux, des paradis fiscaux. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. T'as gagné des milliards parce que tu fais du sport. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. T'as volé des diamants sans demander gentiment. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. J'me fous que t'aies gagné le tien en vendant un terrain. Moi j'gagne le mien en vendant mes mains. Que tu gagnes en faisant quoi ou ben en faisant rien. C'est dans mon caisse de guitare qu'il faut que tu mettes ton foin. T'es un tueur à gages, pis t'as fait des ravages. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. Tu fais de la liqueur, même si toi ça t'écœure. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. Marchand de cigarettes, y'a plus rien qui t'arrête. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. Raffineur de pétrole, pis t'as le monopole. Mets tout ton cash dans mon caisse de guitare. J'me fous que t'aies gagné tiens en vendant un terrain. Moi j'gagne le mien en vendant. Tu gagnes en faisant quoi ou ben en faisant rien. C'est dans mon caisse de guitare qu'il faut que tu mettes ton foin. Tu voulais voir le show, t'es arrivé en temps. J'ai besoin de 20$ si je veux veiller plus tard. On ira voir dehors dans ma valise de char. Tu mettras tout ton cash dans mon caisse de guitare. Mets pas ton cash dans mon caisse de guitare. T'as pas assez de sous pour t'acheter de la bonne broue. Mets pas ton cash dans mon caisse de guitare. T'en avais mis de côté pour aller m'écouter. Mets pas ton cash dans mon caisse de guitare. Je fais des shows pas chers, ben c'est toi que je veux voir. Mets pas ton cash dans mon caisse de guitare. Pour m'encourager, tu vendrais un terrain. Moi je me débrouille bien en vendant mes refrains. Besoin d'une choc de fort ou ben un petit coup de main. J'ai dans mon caisse de guitare s'il me reste un peu de foin. Tu voulais voir le show, t'es arrivé encore. J'te rajouterai une bière sur mon bill de bord. Puis revoir dehors dans ma valise de char. Y'a sûrement un petit pétard dans mon caisse de guitare. Si tu veux veiller tard, moi être là en renfort. On va rire de la mort, peut-être ben jusqu'à l'aurore. Lève demain matin avec un mal de corps. Tu mettras tes remords dans mon caisse de guitare. Les hors-séries de la courte échelle à suivre. Jeans, your cowboy boots and your sheepish grin. I looked at my Blaze Project, Dennis Mallet, Kim Ourukru ou comme dans un film, les quatre artistes qui arrivent sont à découvrir dans ce hors-série spécial chanteur québécois. La semaine terminée, j'avais bien achevé ce qu'il reste de moi dès ce soir. Un verre à la main pour noyer mes chagrins avec mes amis dans ce bar. Pour oublier ce dimanche dans ta robe blanche que tu avais sorti du tiroir. Pour aller te saouler et te trémousser sur la table de billard, quelle histoire. Oh, donnez-moi un verre, aujourd'hui je reste et je bois. Série de la courte échelle à suivre. La grippe vous va très bien. Me dit mon amant ce soir. Ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. La grippe vous va très bien. Souffrez que je tousse un peu. Lui ai-je dit. D'un air doux, souffrez que je souffre un peu. J'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu. Quand vous souffrez, mon ami, m'a répondu mon amant. Ressemblez à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami, j'ai un peu peur des jeudis, que les larmes me vieillissent. J'ai un peu peur aussi, que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis, elle vous vend comme un gars. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup, vraiment. Votre fièvre a bien du charme. Elle vous vend comme un gant, gant, gant, gant, gant, gant. Ah vraiment, je suis trop maigre. Je sens que je m'affaiblis. mais ses os vous vont très bien. M'a répondu mon amant, ne vous inquiétez de rien. Il y en a pour tous les goûts, notamment voici Patrick Fréchette, il y aura André Varin, Karen ou les éléments dans cette émission. Y'a rien qui presse, je sais bien que la vie est courte, mais jamais trop pour se prendre la tête, regarde en avant, puis vois plus grand. Emmène le meilleur de toi-même, mais n'oublie jamais de prendre ton temps. Si les temps sont durs, pis t'en arraches, dis-toi que rien n'arrive pour rien, pis que le meilleur s'en vient. Une chose est sûre, il faut que tu saches, quelqu'un se retrouvera sur ton chemin. À prendre ton temps. Le temps de regarder autour, des fois que le bonheur s'y trouverait. Tu pourrais le pogner dans le béton, qui t'en ferait bien ce que tu voudrais. Je sais que ce serait facile de fuir, puis de prendre le chemin d'à côté, mais on vit jamais pour le pire. Le bonheur est souvent à nos gens fondus autour de toi. Dis-toi que c'est quand même pas ta faute de pas être occupé des autres. Attrape ma main, laisse-toi aller. Sois fier de ce que tu deviens et surtout apprends à prendre ton temps. Le temps de regarder autour des fois que le bonheur. Y'a rien qui presse, tu peux penser à demain, mais n'oublie jamais de prendre ton temps. Prends le temps de regarder autour, des fois que le bonheur s'y trouverait. Bonheur est là pour rester. J'ai retenu mon souffle, fermé les yeux, et j'ai plongé tête première dans l'aventure. L'eau me semblait tellement invitante, pas pris le temps de m'interroger de la profondeur de la température. Et quand je l'entends chanter et je la vois danser, je me dis hey, hey, j'ai enfin trouvé mon rayon de soleil. Dans mon cœur, il fait beau tout le temps, il y a de l'amour à profusion. Dans ma tête, il fait beau tout le temps. Je ne pleurais pas sur mon sort, mais la vie ne m'a pas fait de cadeau. J'en ai reçu des coups de poignard dans le dos. Des gens bêtes, des claques sur le nez, des embûches à surmonter. J'étais à deux doigts de tout abandonner. Mais quand je l'entends chanter et je la vois danser, je me dis hey, hey, j'ai enfin trouvé mon rayon de soleil. Dans mon cœur, il fait beau tout le temps. Il y a de l'amour à profusion. Dans ma tête, il fait beau tout le temps. Et si jamais sournoisement, dans un questionnable déguisement, le doute venait frapper à ma porte, il ne franchirait pas le seuil, se fait regarder d'un mauvais œil et filerait. Que le diable l'emporte. Car quand je l'entends chanter et que je la vois danser, je me dis hey, hey, le ciel est bleu. Le soleil brille dans mon cœur, il fait beau tout le temps. Il y a de l'amour à profusion, tu partages sans condition. Dans ma tête, il fait beau tout le temps. Je me dis hey, hey, j'ai enfin trouvé mon rayon de soleil. Dans mon cœur, il fait beau tout le temps. Il y a de l'amour à profusion. Vous écoutez Hors Série de la Courte Échelle. J'ai mon cœur qui balance du haut de cette branche, fébrile, en manque d'assurance dans ma ligne de mire. Tu brilles. Se libère, rangeuse et tes affaires s'intime de la plus belle des manières. On est complémentaires sans rire. On convoquera les jours qui manqueront à l'appel et ceux qui étaient là. Pour qu'on s'accroche, qu'on se batte si seulement, mais que si seulement tu signes avec moi comme un accord, comme ces acteurs, comme au cinéma, je vieillirai avec toi. Seulement, tu signes avec moi comme un accord. avec moi. Dans mon cœur, c'est pas la fête. Quand je dois partir des kilomètres, je roule à travers la province. C'est vrai, je m'ennuie un peu de tes yeux. Dans toute la montée du paysage, rappelle les traits de ton visage. Avec ta photo en haut de la radio, t'es compagnie durant ma nuit. Et si je fais ça depuis un bout, quand on me dit que j'ai ça dans le sein, quand je pense ma vie sur l'autoroute, c'est vrai que je m'ennuie de mes enfants. Quatre jours que je suis parti, je dors tout seul dans mon petit lit. Des fois je m'ennuie un peu ta belle. Je suis tout seul puis qui fait fête. Même si je fais ça depuis un bout, mais quand on me dit j'ai ça dans le sein, je passe ma vie sur l'autoroute. C'est vrai que je m'ennuie de mes enfants. Des années, que bientôt je serai à côté de toi. Si je fais ça depuis un bout, quand on me dit que je sors dans le sein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chacun, je pense, y en a trouvé pour son compte. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour La Courte Échelle, l'émission hebdomadaire, ou pour un hors-série, tout simplement. D'ici là, eh bien, soyez heureux. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.